Chapitre 2e, Mixture et Rapatafiolure. Monsieur Didier Petit la reçut avec bonté, comme toujours, et lui offrit 20 francs du dessin. 20 francs ? S'écria Miette. Et monsieur y a travaillé 3 semaines, à son âge ? Ah, monsieur Didier, vous n'y pensez pas ? Ma chère bonne, dit le négociant, j'y pense, au contraire, fort bien. Et entre nous, il y a quelques années, ce dessin eût valu 100 francs. Mais il ne me servira pas, non plus qu'une 100 têtes d'autres que j'ai payé à M. Perroton. Ce n'est pas ma faute si la mode est changée, et s'il n'en fait plus d'ameublement comme ceux d'autrefois. Je ne vous dis pas cela pour vous faire de la peine, encore moins pour que vous le répétiez à M. Perroton. Mais je ne puis faire davantage pour lui que ce que je fais. Après tout, il a des moyens d'existence et il ne manque de rien. Mon maître ne reçoit point l'aumône, monsieur, dit fièrement Miette. Gardez vos 20 francs, puisqu'il en est ainsi, et rendez-moi ce dessin. Monsieur Didier Petit, qui était bon et généreux, insista en vain et offrit 30 francs du dessin. Miette, piquée au vif, s'entêta et partit. À peine arrivée dans la rue, elle se repentit, mais il était trop tard. Elle porta le dessin chez d'autres fabricants qui tous le refusèrent, et comme le héron de la fable, la pauvre fille finit par le céder pour 15 francs à un marchand de papier peint. Chez Béatrix, les produits chimiques lui furent comptés 9 francs 50 centimes, et la petite somme qui lui restait suffit à peine à solder les quelques emplettes qu'elle avait à faire chez Casati, le célèbre chocolatier, et le non moins illustre charcutier Chatal. Fort ennuyée, las, et n'ayant plus qu'une pièce de 5 sous en poche comme le juif errant, avec cette différence que les 5 sous du juif se reproduisaient indéfiniment, Miette se dit « Pourtant, il faut que je porte à Blandine ses nigelles de Damas. La pauvre petite les attend, et elle ne pourra venir demain. » Miette se rendit rue Ferrandière, rue étroite, sombre et malpropre, et mesurant de l'œil, en soupirant, la plus haute maison de la rue, elle se mit en devoir de gravir les 117 marches de pierre qui conduisaient à la mansarde de Blandine. En ce temps-là, il y avait encore à Lyon beaucoup de ces maisons bâties en pierre noire, dont les appartements assez vastes, carrelés, garnis de boiseries sombres et pourvus d'un nombre considérable d'armoires, d'alcôves et de cabinets noirs, ne le cédaient en tristesse qu'à l'aspect de l'escalier, où de larges baies, sans vitrage, laissaient pénétrer le jour de soupirail descendant du haut des puits à air honorés du nom de cour. Le portier, généralement logé au 5e, en descendait au cri du facteur et, suffisamment fatigué par ce service, laissait au vent et aux averses le soin de nettoyer l'escalier. Aussi, quand il faisait beau pendant quelques jours, l'état des marches inférieures défiait-il toute description. À mesure que Miette montait, elle commençait à voir plus clair et, arrivée au dernier palier, elle sonna à une petite porte sur laquelle étaient tracés ces mots « Mademoiselle Blandine Morin, fleuriste ». Blandine vint ouvrir. Elle avait été bien malade, et son teint pâle et ses grands yeux noirs cernés de bistre eussent fait peine à voir si le joli sourire de ses lèvres vermeilles n'eût attesté qu'elle se sentait guérir. Elle embrassa Miette, la fit asseoir et appela sa mère. La bonne femme s'empressa de quitter son savonnage et vint recevoir Miette. Après les premiers compliments, Miette ouvrit son panier et remit à Blandine ce que son parrain, M. Perroton, lui envoyait. C'était un petit panier de fraises, 12 frais, précieusement enfermé dans une boîte de botanique, un bouquet de nigelles de Damas qui devait servir de modèle à la jeune fleuriste. Blandine les admira et demanda des nouvelles de son parrain. Miette lui conta ses peines et lui parla du pavot bleu. Blandine et sa mère l'engagèrent à ne pas contrarier les fantaisies de M. Perroton. « Il y renoncera de lui-même, dirent-elles, et après tout ce n'est pas grand-chose. Si fait, c'est une dépense et les revenus de monsieur vont toujours baissant. Enfin, ça n'empêche pas qu'il y aura encore du pain sur la planche quand vous vous déciderez à venir passer quelques jours à Collonges pour achever de vous rétablir. Votre chambre est prête, votre petit lit fait, et mes boulets cloreront cette semaine tout à point pour vous amuser. Samedi prochain, je viendrai vous chercher. Et vous, la maman, viendrez-vous aussi ? Oh, pas encore. À cause de mon fils, je ne puis m'en aller, si ce n'est pour une journée. Et de demain au 8, il sera de garde à son magasin. Mais l'autre dimanche, j'irai chercher ma fille. Allons, dit Miette, c'est entendu, à samedi prochain. Elle embrassa la mère et la fille et se hâta d'aller rejoindre la Claudine, qui avait vendu toutes ses provisions et attelait son âne pour retourner à Collonges. En rentrant au logis, Miette se demandait comment elle s'y prendrait pour annoncer à M. Perroton qu'elle n'avait vendu son dessin que 15 francs. Mais il ne lui demanda qu'une chose. « Avez-vous été chez Béatrix ?» Sur sa réponse affirmative, il demanda ses drogues, les considéra, les pila, les mêla et en fit 7 petits paquets. Puis il en vida un dans un litre d'eau et se mit à secouer la bouteille afin de bien mêler et amalgamer son contenu. « Mademoiselle Blandine va beaucoup mieux, » dit Miette. « Elle vous remercie bien, monsieur. Il viendra samedi prochain. »« Tant mieux, » dit le bonhomme en secouant sa bouteille. « Quant aux drogues, elles coûtent bien cher, monsieur. Il y en a pour 9 francs 50 centimes. »« Tant pis, ma bonne. » Et il secoua de plus belle. « Et j'ai vendu le dessin. Tant mieux. Mais je n'ai pu en avoir que 15 francs. Tant pis. J'en ferai un plus beau. Est-il resté quelque chose ?»« Comment ? Sur 15 francs, mais certainement. J'ai acheté du chocolat, un cervelas et... Ma bonne, prenez cette bouteille et allez arroser mes pavots. »« Tout à l'heure, monsieur, il faut que je trempe votre soupe d'abord. Je n'ai pas faim. Allez arroser d'abord. » Elle obéit, et se levant péniblement, le vieillard alla s'accouder à sa fenêtre pour surveiller l'opération. Quand ce fut fait, il consentit à se mettre à table, et tout le temps que dura son dîner, il ne fit que parler du pavot bleu. Miette haussait les épaules en lui répondant du fond de sa cuisine. « C'est possible, monsieur. Nous verrons bien. Ah, quant à étonner les gens, ça les étonnerait, pour sûr. » Et d'autres répliques plus ou moins ingénieuses. « Demain, » reprenait M. Perroton, « demain, je vous ferai arroser les pavots, et après-demain encore, et cela pendant 7 jours. Et la semaine prochaine, nous verrons commencer à s'épanouir la merveilleuse fleur. Et si par malheur, Miette, mes pavots ne deviennent pas bleus et qu'ils meurent, vous ne me gronderez pas comme pour les rosiers. Ces pavots n'ont aucune valeur. Ils se sont semés d'eux-mêmes, Miette, vous le savez bien. Mais votre rapatafiolure de tripotassium n'a pas poussé toute seule chez Béatrix, à en juger par le total de sa facture. Merci de moi. N'est-ce pas une honte de vendre si cher des aurores de rognures, d'épluchures et de balayures rouillées de je ne sais quoi? C'est un bon état que d'être pharmacien ou droguiste. On me l'a toujours dit. Allons, allons, Miette, calmez-vous. Ah, je voudrais être plus vieux d'une semaine. Miséricorde, quoi, monsieur, vous ne vous trouvez pas si âgé comme cela? Je crois vraiment qu'il perd l'esprit, ajouta Miette. À part elle.